Bonsoir tout le monde. Ici, c'est l'équipe de Tranche d'Anard à partir de Montevideo. On est Gervasio, Sandra et Hans qui vont faire un bref interview avec Gustavo qui participe dans plusieurs collectifs ici à Montevideo et entre autres au journal Rojo y Negro. Donc voilà, on est jeudi 8 janvier 2009 à Montevideo, Uruguay. Donc bonsoir tout le monde. Gustavo, quelles sont les origines et quels sont les principes de base de votre journal? Sí, primero vamos a enviar un saludo, ¿no? Para todos los. On va envoyer un bonjour pour tous les copains de la radio et les gens qui écoutent Tranche d'Anard. Alors, on est avec Gustavo et on a demandé quelles sont les origines du journal. Estamos preguntando cuál es el origen del diario. Bueno, el Rojo y Negro surge allá por octubre de 2007. Sí. Dije bien, ¿eh? Sí. Octubre del 2007. Tras una. Su primer número sale en diciembre del 2007, ¿no? Pero surge a partir, bueno, de un distanciamiento de algunos compañeros que conformaron el periódico, de otro periódico, que se llama Barricada, ¿no? Otro grupo. Bueno, por algunas diferencias que tuvimos a nivel político. Luego se suman compañeros que están también con preocupación social, con ganas de aportar a las luchas populares. Y se impulsa el periódico Rojo y Negro como un espacio, ¿no? Amplio, como una red de militantes sociales, como una red de afinidad, ¿no? Con cierta preocupación de aportar a lo que tiene que ver con todas las luchas, que no todos los periódicos, vamos a decir, le dan cabida, ¿no? Sí, el periódico Rojo y Negro surge allá por... le journal, excusez-moi, mais c'est difficile de passer les deux registres. Le journal Rouge et Noir apparaît là en décembre 2007. Hein, et c'est un peu après d'une décision d'un autre groupe, d'un autre journal, Barricada. Et à ce moment-là, il y a eu des différences politiques qui font que... ça a pris distance avec ces projets-là. Et donc là, il naît le journal Rojo y Negro, dans lequel ils vont venir d'autres activistes sociaux, d'autres groupes, à faire partie du collectif. Et il y avait aussi... maintenant, j'ai oublié... Hein? Oui, ça se conforme, ça fait un espace assez large qui répercute, c'est-à-dire qui fait la diffusion des luttes populaires du camp social, et que ça, c'est le but principal. Et quels sont les principes de base du fonctionnement du journal? Et quels sont les principes de base du fonctionnement du periódico? Bueno, los principios de base, las ideas fuerzas, provienen de lo que nosotros entendemos como ideas fuerzas libertarias, ¿no? Aunque el periódico en sí no se defina específicamente como un periódico anarquista, pero es porque es mucho más amplio, ¿no? Tratamos de que se integren compañeros que tengan cierta afinidad con este pensamiento. Y ahí tenemos la democracia directa, la autogestión, tenemos también la acción directa como principios rectores, vamos a decir. Sí, el funcionamiento... Ah, oui, le fonctionnement, c'est bon, c'est la démocratie directe, c'est aussi l'autogestion, c'est aussi l'action directe. Donc c'est large, si bien le journal est d'orientation, c'est d'orientation libertaire, est beaucoup plus large parce qu'il y a différents courants, différentes options de la part des personnes qui participent à l'intérieur du collectif. Y el funcionamiento es en base a la horizontalidad, ¿no? Donde todos toman decisiones de iguales entre iguales. Partimos de la base de la democracia directa, por eso de abajo hacia arriba, no hay una cúpula directriz. Y bueno, funciona con un plenario, ¿no? Donde tratamos de que participen todos, aunque es difícil porque hay compañeros en el interior también, en otros departamentos del país. Pero sí tratamos de que manden aportes, manden propuestas. Y después funciona un consejo editor, que es el que lleva la parte más operativa, ¿no? Para que el periódico pueda salir y no se tranque por cuestiones de organización. Entonces ese consejo editor que se reúne relativamente cada 15 días más o menos. Y ese es el funcionamiento más o menos que después... Bueno, hay compañeros que están integrados más de lleno al periódico y hay otros compañeros que colaboran escribiendo o distribuyendo el periódico. Le principe fondamental de fonctionnement, c'est l'horizontalité. Donc tout le monde fait des propositions et tout le monde participe aux propositions des autres en jetant un regard, en faisant des apports, en faisant des critiques. C'est une démocratie directe qui circule, il n'y a pas une hiérarchie. Et donc il y a aussi différents degrés de fonction. Son fonctionnement, c'est sur base d'assemblée, une assemblée générale, une assemblée qui ici on appelle plénario, qui se fait une fois de temps en temps. C'est une réunion où tout le monde doit être là. Et ces réunions, parfois c'est difficile que tous soient là parce que les copains qui sont en dehors de la ville de Montevideo, qui habitent à l'intérieur du pays, ont des déplacements très longs à faire. Et cela, financièrement surtout, c'est très problématique. Mais ils envoient leur rapport par écrit parce que, bon, on a une façon de communiquer assidue pour ça. Et sinon, il y a différentes façons d'intégrer, de faire partie de l'espace. Il y a certains qui, tout simplement, où ils envoient des articles. Il y en a d'autres qui participent à la distribution, d'autres qui participent à la partie plus concrète, opérationnelle, pour que le journal soit dans la rue. C'est-à-dire, il faut corriger, il faut amener à l'imprimerie, une fois que c'est fait, il faut les plier, et puis il faut les distribuer, et puis il faut faire le contrôle de tous les kiosques, parce qu'il faut dire qu'il est dans les kiosques de vente publique dans la rue, dans pas mal d'endroits quand même, pour un journal comme ça. Oui, et tous ces gens qui écrivent, qui contribuent, qui diffusent, c'est qui en fait ? Pregunta quiénes son toda la gente que difunde, que escribe, que participa, quiénes son. O sea, supongo que hace referencia de la extracción, de dónde vienen, en dónde están. Bueno, son compañeros que conforman el espacio rojo y negro, ¿no? Muchos vienen de la militancia social. Muchos vienen de otros sectores políticos que fueron decepcionados por su fracaso, ¿no? Y se arriman a las ideas más libertarias, más de lucha popular. Y bueno, y hay otros sectores más jóvenes que vienen sin experiencia atrás, pero que se introducen a la militancia a partir de este espacio rojo y negro, ¿no? A partir de la militancia también estudiantil, en secundaria. Barrial. Oui, et quel est leur public en fait? Oui, on va dire que ça provient de différents horizons. Par exemple, il y a des copains qui sont intégrés à différentes luttes sociales ou collectives. Il y a par exemple aussi des gens qui viennent du milieu étudiant ou des activistes dans le milieu des quartiers. C'est ça. Et donc, ce que j'allais juste demander, juste avant la traduction, quel est le public, quels sont les gens qui lisent le journal? ¿Quiénes son las personas, los lectores del diario? Bueno, el periódico intenta llegarle a un amplio público, ¿no? Principalmente queremos llegar a los sectores populares, a los que buscan diversos tipos de alternativas a la institucionalidad, ¿no? Que buscan hacer actividades desde abajo, ligado al pueblo, ligado a los vecinos, a los estudiantes, a los obreros. Le queremos llegar a un amplio público, al público trabajador, ¿no? Al que está luchando, al oprimido. A ese sector le queremos llegar. Pero, como todo, ¿no? El periódico tiene una diversidad de secciones que también tratamos de tocar el arte, la cultura, la cuestión de género, la cuestión de etnias, la problemática internacional. En fin, digo, queremos abarcar un montón de diversos temas que obviamente que llegan a un público diverso, ¿no? Bon, la diversité, c'est une des caractéristiques parce qu'il y a d'abord des gens, des gens qui sont impliqués dans les luttes, qui est, je dirais, le premier lecteur concerné. Le deuxième, c'est des gens qui souhaitent s'approcher à d'autres idées qui ne soient pas les officielles, des gens qui sont déçus aussi de ce qui était, de ce qui est la gauche traditionnelle, surtout avec ce processus soi-disant de gauche et puis qui se fait que ce n'est pas de gauche, et c'est le public potentiel. Maintenant, dans les souhaits du collectif, est que soit, le spectre soit large. C'est pour ça qu'il y a des sessions dans le journal de genre, d'articles sur la problématique des femmes, internationale, le sujet, comment on appelle, et ethnique, et aussi le thème de écologie, etc. Ils essayent d'être le plus large possible pour toucher les couches, un peu tous les différents secteurs sociaux. Et fondamentalement, qui veut arriver à que les gens des quartiers, les gens du peuple du bas, le lisent. Oui, et quand tu vois Rojo y Negro dans le mouvement anarchiste ou libertaire ici, quel est leur rôle en fait? Quelle est leur place dans ce mouvement? Quel est le rôle ou quel est le lugar du periódico Rojo y Negro dentro de del movimiento anarquista en el Uruguay? Bueno, partimos de, obviamente, ¿no? De bases libertarias, aunque intentamos llegarle a un público más diverso, no exclusivamente al sector libertario. El periódico entonces intenta rescatar desde del pensamiento libertario, del sector libertario, que aquel movimiento o aquellos sectores que dan la lucha a nivel social, ¿no? Que dan respuesta a la realidad que estamos viviendo, que quiere transformar la realidad a partir de acciones también, no solamente a partir de la herramienta periódico, sino también buscando formas de incidir en los distintos ámbitos sociales, ¿no? A nivel barrial, a nivel estudiantil, o sea, buscando una acción donde llevar la propuesta del periódico. Sí, pero la pregunta era dentro del movimiento anarquista, el rol dentro de la corriente o de los distintos grupos, el rol del periódico, si es que tiene un rol para eso. Tal vez que quizás el rol lo vamos a ir, el rol que va cumpliendo. Partimos de la base de que buscamos que el movimiento anarquista realmente cumpla un rol social, ¿no? De lucha popular, ¿no? Que se inserte en la lucha popular. Ahora, el rol específicamente lo vamos a ir construyendo colectivamente a partir de ir conociéndonos y viendo por la propia experiencia dónde va a incidir más el periódico, ¿no? ¿Dónde tiene que incidir más en el marco de lo que vamos analizando, de la coyuntura, analizando de cuáles son las carencias del movimiento anarquista también? Sí, on pourrait résumer que c'est le rôle spécifique Il n'y a pas un rôle spécifique, c'est quelque chose en construction, c'est en fonction des luttes et de ces cheminements qui commence le journal qui se construira quelque chose peut-être à l'intérieur de cette mouvance anarchiste que d'ailleurs il y a divers aussi parce qu'il y a différents groupes et différentes tendances. Merci beaucoup Gustavo et Sandra et Gervasio et moi-même pour cette interview. Donc à la prochaine fois.